Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturelle. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Bienvenue dans ce jour 4 du Festival d'été de Québec. Sortie culturelle est en direct du bar Le Sacrilège pour l'occasion. Jessica Leb avec vous pour vous accompagner jusqu'à 17h30. On reçoit les artistes en entrevue, les artistes de la programmation de ce festival, quelques heures avant de monter sur scène. Parfois, ils viennent même après pour nous raconter leur expérience. On a aussi notre équipe de chroniqueurs qui nous parle des spectacles qu'ils ont vus hier soir et ceux qu'ils verront également ce soir. Et on vous donne aussi quelques suggestions parce que malheureusement, on ne peut pas être partout, on ne sait pas encore se déquadrupler, comme je vous le dis à chaque fois. Alors, au menu aujourd'hui, on aura Elena Delan, Ponctuation aussi, qui devrait passer faire son tour, Gramophone, le groupe français Sax Machine, qui a déjà joué hier soir et qui rejoue ce soir. Pierre Lapointe viendra certainement nous voir aussi. Alors, on serait très content de le recevoir. Et puis, Jacques Boivin nous parlera de son expérience de photographe au Festival d'été de Québec. Comment prendre des bonnes photos sur les plaines quand on a 18 000 restrictions par rapport à l'artiste qui joue, puis qu'on a seulement 3 chansons pour faire la bonne photo? Mais il nous racontera son expérience. Ça fait plusieurs années qu'il joue le jeu pour son blog écoutedon.ca. Pour commencer l'émission, on est bien content de le recevoir parce qu'on l'écoute souvent à CKRL. Félix Diot est avec nous. Bonjour Félix. Salut. Félix, tu seras ce soir à l'Impérial Bell en ouverture de cette grande soirée, 19h45, juste avant Pierre Lapointe d'ailleurs. Exact. Et une belle soirée et surtout, est-ce que c'est pas la première fois au Festival d'été de Québec? Non, en fait, j'avais fait le Festival Off il y a 2 ans et j'avais joué dans un parvis, sur le parvis d'une église, puis c'était super agréable. Juste à côté agréable. D'ici, hein? Ouais, c'était vraiment parvis fun. Parvis de l'église Saint-Jean? Là, c'était le Off, c'est pas le festival, c'est pas le festival d'été. Mais ça commence souvent comme ça, le Off a ce talent de dénicher les artistes qui seront quelques années plus tard au Festival d'été de Québec. Oui, absolument, c'est tellement plaisant. C'est un peu comme les Gamic et la Disque, mais un petit peu plus... différent. Ouais. Et toi, Félix, ça représente quoi alors de passer cette fois au Festival d'été de Québec? je sais pas trop. En fait, c'est comme la même chose hein, pour les artistes. On nous offre une scène, puis on fait des shows, puis c'est pas tellement important pour l'artiste sur quelle programmation on est. Mais ce que je trouve drôle, c'est que je crois que si je me trompe pas, le Festival d'été de Québec a eu comme un peu l'initiative de me placer en première partie de Pierre Lapointe. Et puis, quelques jours plus tard, je faisais sa première partie au Corona à Montréal. Fait que c'est comme, y a comme une espèce de synergie qui faisait en sorte que ça avait probablement tout le sens du monde. Alors, je peux m'imaginer que les programmateurs du Festival d'été de Québec sont compétents. Ben oui, ils ont ce talent-là pour savoir qu'est-ce qui va bien fonctionner l'un à la suite de l'autre. Moi, ouais. Je trouve ça parfait aussi comme association. Mm-hmm. Vous pouvez rejoindre le même public, là. Ouais, puis aussi, Pierre et moi, depuis quelques années, on collabore de plus en plus ensemble. On écrit des chansons. Moi, j'ai co-écrit des chansons sur son dernier album. Puis, et ça continue. Donc, à chaque fois que Pierre... moi, j'ai un peu plus de temps libre que Pierre, parce que je suis un auteur-compositeur principalement. Et Pierre, lui, c'est un peu une vedette. Puis, il se promène partout. Puis, il est toujours un peu entre Montréal et Paris. Il vient d'être signé sur un nouveau label. Et puis là, c'est la folie. Alors, mais dès qu'il y a un temps libre, souvent, on se retrouve chez moi ou chez lui. Puis, on travaille des nouvelles chansons. Et puis là, c'est toujours un peu ça qui est comme notre projet. Là, on s'écrit puis on se dit « Bon, c'est quand t'as du temps libre? » Mais moi aussi, des fois, je suis occupé. Mais quand même! Comme aujourd'hui. Mais ce qui fait que oui, tu connais très bien Pierre Lapointe pour écrire des chansons avec lui, pour lui aussi. Ouais. Et toi, tes textes, est-ce que c'est plus dur? On dit souvent qu'on est le cordonnier mal chaussé, là. Est-ce qu'au moment d'écrire tes textes, c'est plus compliqué que de les écrire pour les autres? C'est vraiment étrange. Je croyais que c'était plus difficile. Avant, je trouvais que c'était plus difficile d'écrire mes propres textes. parce que je me voyais les représenter, puis là je m'imaginais une sorte d'intimité, puis là je me disais ah bon, il faut vraiment que ça soit plus proche de ce que je suis vraiment. Mais avec mon dernier album Politesse, j'ai un peu changé de cap, puis j'ai décidé de m'embarquer un peu plus vers la fiction. Puis je pense que tout bon auteur se doit de faire ça quand il sent que sa vie devient un peu redondante. C'est toujours important de se rafraîchir puis de un peu recommencer son procédé. Et puis en me mettant à faire ça, je me suis rendu compte que j'étais capable d'interpréter des chansons qui sont pas nécessairement au premier abord des trucs qui sont rattachés à mon intimité ou à ma vie personnelle. Et puis quand j'ai réalisé que je pouvais faire ça, ça m'a vraiment fait du bien. Puis maintenant, je suis capable d'écrire des chansons un peu comme en m'imaginant que j'écris pour quelqu'un d'autre. Et puis ça fait de l'écriture un procédé non seulement plus amusant, mais plus facile. Et sur ce dernier album, Politesse, paru en 2017, tu as la chance de faire profiter tes textes aussi pour des collaborations. Plusieurs chansons que tu chantes en duo, notamment Croix, avec Béatrice Martin, qui est quand même cœur de pirate. Là. Elle a mis ce nom d'ailleurs, Béatrice Martin, pour se dissocier de son projet cœur de pirate. Un peu parce que en fait on a fait ça vraiment à la bonne franquette. Béatrice c'est une amie puis elle était chez nous un peu pour un peu par hasard comme ça et puis parce qu'elle aussi elle a des temps off. Et là elle était chez nous puis je lui ai demandé est-ce que ça te tente de chanter sur Croix, puis là elle a dit oui mais attention moi je sors mon prochain album, c'est un album francophone et puis ça risque de on risque d'être un peu dans un conflit de comment on dit ça, de timing. Et puis là j'ai dit ah c'est pas grave, de toute façon je tiens pas absolument à ce que cette chanson là soit mise de l'avant. C'était comme un peu un duo où est-ce que je l'avais imaginé un soir la chanter, puis là je lui ai simplement dit ah je t'imagine chanter ce couplet là ça t'irait bien. Et puis là elle a dit ouais ok c'est cool, mais est-ce qu'on peut faire ça un peu plus intime puis mettre juste Béatrice Martin comme ça, c'est pas comme comme ça il y a pas trop d'attache puis tout ça, puis c'est comme un peu puis certains ne feront même pas le lien. Certains font même pas le lien, puis ouais. C'est pas tellement grave pour moi parce que c'était pas vraiment par opportunisme là, que je l'ai fait chanter sur cette chanson-là. C'est vraiment parce que je pensais que ça lui irait bien, puis j'aime ça, j'aime beaucoup partager mes textes puis mes chansons avec les autres parce que c'est beaucoup moins ennuyant en fait. C'est pour ça qu'on retrouve d'autres duos, hein, Evelyne Brochu aussi sur Je cours et Philémon Simon, sur Pour ce que valent tes larmes. Un duo homme, c'est plus rare d'ailleurs. Hein? Ouais. C'est parce que en fait, au début, j'avais fait l'harmonie moi-même, comme j'ai l'habitude de faire d'habitude. Je fais ma propre deuxième voix. Puis encore une fois, c'était complètement un concours de circonstances parce qu'on était dans un chalet autour d'un feu et Philémon est arrivé avec une amie commune, puis on chantait des chansons sur le bord du feu, et puis on s'est mis à chanter. Je me suis mis à chanter Pour ce que valent tes larmes, qui était une chanson que je venais d'écrire, puis je la chantais pour la première fois pour mes amis. Et puis Philémon, il s'est mis à... En fait, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que quand Philémon est arrivé, on venait de se baigner nu dans la rivière, et on était tous nus autour du feu, et il connaissait pas tout le monde. C'est un détail important, je suis contente que tu me le précises. il connaissait pas tout le monde, et puis sur le coup, ça l'a vraiment gêné, puis il s'est dit, parce qu'on lui a dit, bon, mais tu sais, il faut que tu mets-toi tout nu aussi, parce que comme ça, ça va être moins bizarre pour nous, ça va être moins bizarre pour tout le monde. Puis il s'est quand même gardé une petite serviette, mais il s'est un peu prêté au jeu. Et puis je pense qu'une autre technique pour se dégêner, c'était de faire des harmonies sur mes chansons. Puis il s'était mis à un peu faire comme... Il connaissait pas les paroles, mais il faisait juste chanter des notes. Et puis là, pour vrai, c'était vraiment beau. Et puis j'ai dit, Philémon, ça te tente-tu de venir chez moi? Puis on enregistre la chanson à deux pour vrai. Puis il était comme, ah oui, mais ça... Wow. Ouais. Des fois, ça naît vraiment dans des contextes assez improbables. Mais c'est vraiment un truc qui m'intéresse, ça, comme les collaborations viennent toujours un peu de... Il y a toujours une histoire qui est cachée derrière tout ça, puis c'est pas nécessairement comme... j'ai jamais demandé à mon label de contacter un artiste que je connaissais pas, ou, tu sais, j'ai jamais contacté un artiste que je connaissais pas strictement pour faire une collaboration comme ça, tu sais, c'est un peu tout le temps... Des rencontres. Des rencontres, ouais. Même si tu les connaissais déjà avant. Ouais, exact. Moi, il y a une chanson qui est sortie, je pense qu'elle a été sortie avant l'album, ça devait être un single, Station Balnéaire. Ouais. Écoute, moi, quand j'écoute ton album, je l'aime beaucoup, mais alors celle-ci, je dois dire, c'est un verre d'oreille, je peux me l'écouter en boucle 5 fois de suite. Je veux que tu m'expliques ce qui se passe derrière cette chanson. On va l'écouter, comme ça je l'aurai encore plus en tête jusqu'à ce soir. Parfait. Donc, qu'est-ce que tu me dirais sur Station Balnéaire avant d'écouter? Je vais te le dire tout de suite, mais ça, c'est exactement ce que je disais un peu plus tôt. C'est quand c'était vraiment un exercice volontaire d'écrire de la fiction. Et puis je me suis dit, ok, ben je vais mettre en scène des personnages. Puis là, j'ai écrit des noms, Léandre, Laurence, Camille. Puis là, je me suis dit, ah ben ces gens-là, ils vont vivre une certaine vie qui est pas la mienne nécessairement, mais finalement, tu sais, que à laquelle je peux m'identifier. Mais c'est très drôle anecdote, quand j'ai sorti cette chanson-là, les deux filles de Laurence Lafonbonne et Camille Poliquin de Milk and Bone m'ont tout de suite contacté en disant « Mais non, mais ça parle de nous, ça! » Puis les deux se reconnaissaient vraiment beaucoup dans le texte. Puis là, j'ai dit « Ah, mon Dieu, j'ai mis vos deux noms dans la même chanson, mais je m'en étais tellement pas rendu compte. » Puis c'était vraiment de la fiction pour moi. Mais elles se sont super gros reconnues dans cette chanson-là. Puis elles pensaient que ça parlait d'eux, mais... Mais voilà. Bon, je pense que c'est aussi une sollicitation pour le prochain album, certainement. Ouais, peut-être. Parce qu'on parlait toujours de concours de circonstances. Exact. Félix Dutt, merci beaucoup. Je rappelle que ce soir, on te voit à 19h45 à l'Impérial Belle. Ça sera juste avant Pierre Lapointe. Merci, Félix. Merci à toi. Voici Station Balnéaire. Je m'ennuie. dans ce paradis. Félix Diot avec Station Balnéaire à CKRL 89.1. Je vous l'ai dit, c'est un verre d'oreille. Félix Diot jouera ce soir 19h45 à l'Impérial Bell. Si vous voulez le voir, c'est en première partie de Pierre Lapointe. On va côté coulisses maintenant du Festival d'été de Québec, parce que vous avez certainement remarqué, en début de spectacle, il y a toujours la horde de photographes qui vient prendre ces quelques clichés pendant le début du spectacle généralement. On a voulu en savoir plus sur l'ambiance entre photographes. Est-ce que la concurrence règne? Est-ce que c'est bon enfant? Mais c'est Jacques Boivin qui va tout nous dire, parce que lui, il photographie pendant toute la durée du festival. Bonjour Jacques. Salut, une chance qu'on a ça à l'interne, un photographe. Mais oui, quand même. C'est vrai qu'à la radio, c'est un peu plus complexe. Jacques, je rappelle que tu es fondateur du site écoutedon.ca. Oui. Votre force, c'est la photo, sincèrement. Oui, il y a les articles, mais les photos, on veut se démarquer avec ça aussi dans un festival. On veut se démarquer avec le côté web, avec les réseaux sociaux, etc. Puis avec la technologie maintenant qui est disponible et qui nous permet de faire à peu près n'importe quoi. On met beaucoup l'accent sur le visuel. Donc, ça nous prend des photos, ça nous en prend des belles. Puis, contrairement, mettons, à un journal qui va en publier une avec son article, nous, bien souvent, on va en publier 4, 5, 6, 7, une par artiste. Après ça, on va faire une galerie de photos où on peut monter des fois jusqu'à une centaine, une soirée de festival. Un show normal, on peut peut-être en avoir une quinzaine pour montrer un peu de quoi ça avait l'air. Mais là, en festival, on parle de vraiment une très, très longue période. Mm-hmm. Donc, on parle de 17 heures le soir à minuit, 1 heure le matin, une dizaine d'artistes, une dizaine de photos chaque. On raconte une histoire un peu, on montre un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blogs qui font ça aussi maintenant. On a toutes nos galeries, on a toute la façon de les présenter. Mais ce qui fait que maintenant, avant, avec les médias écrits, il y avait peu de monde dans les petites photos, dans les fausses en français. Mm-hmm. Là, maintenant, il y en a énormément. Puis, ben, évidemment... Il se passe beaucoup de choses. Je vais pouvoir te raconter ça. Mais oui. Et l'idée, je pense aussi, c'est de publier les photos rapidement, parce que les gens qui n'étaient pas au spectacle veulent voir à quoi ça ressemblait. Et ceux qui y étaient, bah, c'est un souvenir aussi de l'artiste. Ben oui. On veut faire ça rapidement. Mais en même temps, quand on en fait plusieurs, traiter une photo, c'est long. On pense souvent, ah, regarde-moi le photographe. C'est pas, il s'en vient là. Ça il prend 15 minutes de prendre ses photos. Il les envoie. Bonsoir. Non. Il y a énormément de travail à l'ordinateur après. C'est sûr que bon. On parle de quoi comme genre de travail? Recadrage, contraste. Ben, recadrage, contraste, éclairage, exposition, balance des couleurs, ben, des blancs, des couleurs. Il y a tellement de choses qu'on peut retravailler sur des photos de spectacles. Bon, évidemment, on n'est pas toujours dans la situation idéale. C'est sûr que dans un gros festival comme le Festival d'été, les scènes principales sont toutes extrêmement bien éclairées. Mais si l'artiste décide que lui, il joue dans le rouge très sombre, ben là, on rage un peu. On fait avec ça, puis on fait notre possible. Donc, ça prend quand même, c'est ça, du temps. Ça prend, je dirais, un minimum de temps. Talent, et ça prend surtout du matériel. On ne peut pas faire ça avec son téléphone. Tu as dû remarquer, il n'y a pas de photographe avec un téléphone cellulaire bien. Ils sont interdits d'ailleurs dans cette fosse, oui, il me semble. Oui, ouais. J'ai pas le droit de prendre mon cellulaire dans ma poche, le lever pendant le spectacle. Pendant le spectacle. Ben, je peux le faire pendant le spectacle à l'extérieur, mais pas dans la fosse à photo. Ça, c'est un non. Alors, chaque jour du Festival d'été de Québec, dans les alentours de 17 heures, on reçoit cette fameuse feuille de restriction média. Par artiste, par scène, on sait à quel moment on peut prendre des photos, si l'autorisation a été donnée. Et il y a parfois des artistes où on a le droit à aucune photo aussi. Ça on a le droit à aucune photo. D'autres, c'est le contraire, on n'a aucune restriction. Aucune restriction. Les plus petits artistes, les artistes très locaux, en règle générale, allez, venez vous amuser, puis... Évidemment, on les connaît pas mal tous aussi, là. Ça aide un peu. Puis évidemment, ben, moi, je trouve ça super le fun, surtout les trucs locaux. Je vais en parler en premier, on va parler des trucs avec les aucune photo. Ce qui est le fun avec les artistes locaux, c'est ça. Ils nous laissent la place, puis on a l'espace quasiment à nous autres tout seuls, parce que les grands journalistes, les grands photographes internationaux, ils sont là pour les plaines, ils sont là pour le parc de la Francophonie. On les voit pas souvent sur les plus petites scènes. Ça serait le fun qu'ils viennent plus. Il faudrait qu'il y ait un journaliste qui les suive aussi pour couvrir les artistes locaux, les découvertes, les artistes émergents. Mais pour un photographe de concert, avoir un espace immense à soi, à moi tout seul. C'est, puis avec du bel éclairage, quelque chose de très professionnel, c'est amusant. C'est amusant. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes. Dans le pire des mondes, on me dit non, pas de photographe, ou non, mais il y a juste quelques photographes qui sont autorisés. C'est arrivé, par exemple, pour Jethro Tull, il y avait juste deux photographes médias qui étaient là, puis le photographe officiel du Festival d'été. Donc, on avait toute la même photo empruntée au Festival d'été, si on en parlait. Mais ça, tu vois, c'est des caprices soit de l'artiste, mais pas des caprices, c'est des demandes, soit des fois de l'équipe, des fois c'est juste standard, l'équipe de l'artiste qui gère plusieurs artistes vont faire la même affaire, les mêmes restrictions pour tout le monde. Des fois, il peut y avoir des demandes très bizarres. J'ai déjà été à un spectacle où au lieu de nous demander les trois traditionnelles, trois premières chansons, on nous disait 4, 5, 6 avec pas de casque. Pour ne pas les nommer. D'autres, Gogol Bordello, qui est un groupe qui est extrêmement le fun à prendre en photo, nous disait, vous allez avoir les chansons 2, 4 et 6. Mais ces chansons-là, par exemple, c'est vous autres qu'on regarde, on vous les donne, on va donner notre maximum. On joue avec les photographes, parce que rarement les artistes vous regardent directement. Non, mais c'est ça. Mais moi, ce groupe-là, j'ai des photos, quasiment tous les membres du groupe me regardent directement, droit dans les yeux, ben, droit dans l'objectif, on s'entend. Mais c'est une sensation incroyable. Puis il y en a d'autres, évidemment, qui pendant les trois premières chansons nous demande, par exemple Neil Young, c'était très complexe parce qu'on était, on devait être sur les côtés de la scène, on était très nombreux, on s'entend, c'est une légende vivante, tout le monde voulait y aller, et ouais. Tous les médias nationaux, internationaux et locaux étaient là vraiment, et on était vraiment serrés sur les côtés, on était une quarantaine à peu près, peut-être une quinzaine d'un bord, 25 de l'autre, puis on essayait tous d'avoir une photo, puis évidemment, ben, dans ce petit angle-là, on avait pas mal toutes la même. Ouais, c'est difficile de diversifier. Mais en même temps, tu sais, juste avoir le plaisir d'être là, de croquer une image de quelqu'un qui est une idole pour tant de monde, puis que j'aime beaucoup aussi, ça reste une expérience assez enrichissante. Jacques, pourquoi les trois premières chansons? Parce qu'on peut se dire, je suis moins surprise par le 2, 4, 6, parce que la deuxième, bon, bah, le temps de se mettre dedans, ça y est, on a fait la première chanson, mais les trois premières, pourquoi? Les trois premières, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent être données, toutes sortes d'histoires, mais dans le fond, c'est juste pour pas qu'on croûte devant les gens qui ont payé. On reste là parce qu'évidemment la fausse photo c'est pas partout là. Il y a des endroits où on, surtout en salle où on est avec le public, on dérange quand même un peu. Moi j'arrive 6 pieds 250 livres avec mon matériel, mes sacs, tout, je dérange là. Donc pour éviter qu'on dérange les gens qui ont payé un billet, on nous demande ben peux-tu limiter ça un peu. Fait que oui, ça a commencé comme ça. Mais la légende dit que c'est Bruce Springsteen qui a commencé ça fin des années 70, début des années 80. Il y avait vraiment de l'abus dans ses spectacles de photographe. Il a dit non, okay, non, c'est fini là. Trois premières chansons, on arrête là. Donc, depuis ce temps-là, ben, de plus en plus d'artistes. Parce que dès qu'il y a une porte de même qui s'ouvre, évidemment, de plus en plus d'artistes le font. C'est comme les formulaires de décharge que les artistes nous font de plus en plus signer, que des fois, avec des conditions inacceptables, on ne les signe pas. Pour conclure, Jacques, quels sont les spectacles que tu attends le plus là, d'ici la fin du Festival d'été de Québec pour le potentiel photo? Pour le potentiel photo, je te dirais Hubert Lenoir, Claude Pelgag, parmi les artistes québécois. Si j'avais la chance, Lord, j'imagine que ça va être magnifique visuellement. C'est pas approuvé encore, c'est ça? C'est tout simplement parce que je sais pas si je vais être là. Moi, je m'étais mis sur une autre scène, je m'étais mis pour aller voir Galaxy. OK. Qui va être quelque chose aussi, là, on s'entend, il n'y aura pas de problème. Mais Hubert, Claude, Beck, ça va être super le fun, tout simplement, parce que le gars est un excellent showman, fait, on va avoir du plaisir. Puis je peux garantir quelque chose, les photographes qui vont être à Foo Fighters, à Avenged Sevenfold, des shows de rock, de métal, ils vont en avoir pour leurs objectifs. Ben, Foo Fighters, on ne sait pas dans quelles conditions climatiques ça va être. Est-ce que ça va battre la couverture de l'édition passée où il n'y a plus comme des cordes? Mais moi, donne-moi Hubert, plein de lumière, je suis heureux. Alors, on va suivre ça sur écoutedon.ca pour ces photos, les réseaux sociaux aussi, comme tu nous disais, oui, Jacques. Oui, presque instantané. Merci, Jacques Boivin, de rien, pour cette expérience. Un spectacle à ne pas manquer aussi. Je ne sais pas s'il y a un potentiel photo intéressant pour Jane, qui sera... Très probablement, ouais, oui. À Place Duville. Alors, écoutons un extrait pour ce soir à 21h20, Jane avec Come. that you are. I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Cultural journey. Excursión cultural. Gita culturale. Oh, oh, oh. Je suis une voix. Wangishila nonomatemba. Je suis un disque. Oh, oh, oh. Nul ne sait ce que je porte dans mes sillons. C-O-K-R-L. Communication et culture. Le cœur à lire, organisme d'alphabétisation, t'offre l'opportunité d'écrire enfin à tes enfants, de lire enfin les informations sur ton lieu de travail, de pouvoir enfin remplir un formulaire sur place et d'accepter enfin un nouveau poste ou une promotion, confiant de pouvoir lire, écrire et manipuler un ordinateur. Ouvert toute l'année, c'est gratuit et c'est pour toi. Le cœur à lire, 418-841-1042. C'est le moment de prendre ta vie en main. Depuis 10 ans, Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Savourez 125 ans d'histoire brassicole en visitant l'exposition « Ici, on brassait la bière » tout l'été à l'Îlot des Palais. Artefacts, images et témoignages inédits témoignent d'un savoir-faire et d'un goût bien québécois. De Jean Talon à la brasserie Boswell Dow. Tous les détails au ilotdespalais.ca. Santé! L'été, c'est le fun en gang. La loto de l'été aussi. Deux lots, 2 millions garantis à gagner. Appelez les cousines, les matantes, les gendres, puis jouez en groupe. Puis oubliez pas les bruits. Tirage le 16 août. Ah oui, l'amour est plus fort que la langue. J'ai toujours l'impression aujourd'hui que c'est suspect vouloir défendre la langue française, vouloir avoir des lois pour défendre la langue française, puis tout ça. Puis dans l'amour est plus fort que la langue, ben j'essaie un peu de dépeindre de façon un peu ironique. Là. Mon oncle Serge et son amour de la langue française à Sentier Secret, mardi 10 juillet à 13h30. Production Rhizome et Arcam sur Loire présente. Les explorateurs comptent des estuaires Nantes-Québec. Sémaphorenco, spécialiste en archéologie sonore, s'installe à la Marina Saint-Roch du 11 au 14 juillet. Venez y découvrir les secrets d'Alcide Lachance et Charlotte Sémaphore, explorateurs du 19e siècle. chantier de fouilles exceptionnellement ouvert au public. Suivez l'aventure sur les-explorateurs.net. Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturale. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Vous êtes dans Sortie culturelle jusqu'à 17h30. Aujourd'hui, Jessica Leb, toujours avec vous pour vous accompagner et pour recevoir les artistes en programmation au Festival d'été de Québec. Ici, dans l'émission, on leur parle quelques heures à peine avant de monter sur scène. Et c'est le cas de notre prochaine invitée aussi, Elena Delan, qui sera ce soir à 20h sur la scène FIB, vous savez, dans le cœur du FEC, un spectacle gratuit d'ailleurs. Oui. Bonjour Elena. Allô, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui. Elena, c'est drôle, on a parlé avec Félix Diot à 15h30. Et ça faisait il y a 2 ans, il était programmé au Festival Off de Québec, qui se tient parallèlement au Festival d'été de Québec dans les premiers jours. Toi aussi, il y a 2 ans, ouais. T'étais programmé au Off. Ouais. Comme quoi, on le souligne à chaque fois, le Off vous permet de savoir 2 ans en avance qui va être au Festival d'été de Québec. Est-ce que toi, tu vois ça comme une progression aussi C'est certain que ça implique. Je veux pas nécessairement les comparer, mais c'est vrai que c'est un spectacle beaucoup plus imposant que celui au Festival d'été, je pense que le Off c'est ça, comme je dis, tout aussi valable, c'est une expérience vraiment vraiment intéressante, mais c'est sûr que on passe par là avant. Puis là, comme quoi, la période de gestation entre guillemets des festivals dure 2 ans, puis on arrive au Festival d'été après. Et toi, tu as la chance de jouer sur une scène gratuite, donc même des gens qui n'ont pas du tout acheté leur laissez-passer et qui veulent profiter du Festival d'été de Québec de cette façon vont pouvoir te découvrir. Est-ce qu'on y pense, ça, en tant qu'artiste, que bon, c'est gratuit, donc je vais pouvoir surprendre encore plus de monde? Oui, ben c'est sûr que c'est vraiment, je suis vraiment contente d'être sur une scène gratuite, comme ça c'est facile aussi d'inviter amis et famille. Moi, je viens de Québec, donc c'est particulièrement... C'est agréable de pouvoir avoir ma famille qui vient sans avoir à acheter des billets. Spectacle, ouais. Après, si on pense au public en général, je pense que oui, c'est probablement le genre de scène où il y a plus de possibilités de surprendre, je pense. Et toi, avec tes chansons, tu nous emmènes vraiment dans une ambiance... Alors, on dit dans ta description pop aérienne. Je suis assez d'accord, c'est assez planant. Tu nous fais rêver à travers tes chansons. Il y a un mini-album qui était paru en 2016, Drawing Room. Et de là, plusieurs chansons aussi qui sont parues en mini-mini-album. C'est 2 chansons à chaque fois. Oui. T'aimes bien cette formule, j'ai l'impression de... donner un petit peu de chansons comme ça régulièrement? Oui, ben c'est super. C'est sûr que c'est pas très conventionnel, mais c'est une façon d'avoir une présence un peu plus constante dans le monde des releases, des sorties. Ouais. Puis c'est aussi, je trouve ça vraiment agréable conceptuellement, juste d'avoir un genre de fil continu qui pourrait se continuer longtemps dans le temps, dans le fond, où je pourrais sortir 2 pièces à la fois, peu importe, tu sais, pour pouvoir entreprendre des projets qui sont un peu moins d'envergure qu'un EP ou qu'un album. T'sais, la manière dont je vois ça d'ici, puis c'est sûr que ça peut changer, mais idéalement, ce serait comme une série qui continuerait de grossir avec le temps, dans le fond, entre les paritions plus grosses. Mais d'où le titre de ces mini-albums, là, quand tu dis « From the Series of Songs ouais. », volume 1, volume 2, c'est ça, on va pouvoir te suivre au fur et à mesure. Mais bizarre. J'imagine aussi, on en parle souvent avec les artistes, sortir un album, c'est beaucoup d'efforts, puis finalement, l'impact est presque le même que quand on sort une seule chanson. Ouais. Pour la promotion autour. Ouais. Oui, c'est ça, c'est malheureux un peu, là, mais c'est sûr que ça, c'est très payant d'un point de vue marketing d'étendre... Les sorties, puis je crois que c'est pour ça qu'on fait des singles aussi quand on veut sortir un album, tu sais, de sortir 4 chansons, ben tu vas avoir 4 fois plus d'attention médiatique Puis, tu sais, c'est sûr qu'un album, c'est une œuvre beaucoup plus considérable, mais en même temps, c'est ça, c'est sûr qu'il faut se battre pour l'attention aussi. Mm-hmm. Fait que... Puis, au mieux, on en parle pendant un mois de cet album-là, les quelques semaines avant, les quelques semaines après, puis après ça, bah, l'album est lancé dans la nature, j'ai envie de dire. Ça appartient au public. Ouais, exact, c'est vrai. Il devient indépendant de l'artiste. Et Elena, j'ai envie d'en parler parce que quand même, sur les plateformes de streaming, je ne sais pas si tu regardes ces chiffres-là, mais tes chansons voyagent très bien aussi. Mmh. Plus de 200 000 écoutes pour certaines d'entre elles, ou même 230, 240 000. Est-ce que c'est... Bah, tu dois peut-être le savoir parce qu'il y a des petites redevances qui retombent, et encore, je sais que ce n'est pas énorme. Mmh. Mais est-ce que on suit ça, justement, avec le fait de sortir une ou deux chansons, comment ça voyage? C'est une très bonne question. En fait, j'avais tendance à le faire plus avant. Puis je me suis comme un peu désintéressée des chiffres, puis ça c'est vraiment personnel, c'est pas du tout comme... Mais en fait, j'ai l'impression que ça me rend très compétitive que de faire ça, puis tu sais, j'ai une équipe avec moi qui s'occupe de cibler des marchés ou bien, tu sais, qui ont pas le choix d'être attentifs à ça. Donc j'ai comme pris la décision d'un peu arrêter de vraiment en prendre conscience, juste parce que sinon ça vient comme avoir beaucoup d'importance pour moi. Ouais, alors tu veux pas que ça devienne nécessairement plus important? Non, c'est ça, que tu sais, que n'importe quoi de tangible dans le fond, mais c'est sûr que c'est extrêmement excitant puis stimulant, mais c'est aussi pas nécessaire, je pense, pour moi, étant donné que d'autres gens sont là pour le faire, de toujours rester rivé là-dessus, tu sais. On en parlait avec Men I Trust hier, par exemple, qui, eux, c'est aussi un groupe de Québec, des millions d'écoutes sur Spotify, et ils se surprennent encore d'avoir des gens qui connaissent par cœur les paroles de leurs chansons, puis ils disent, bah oui, mine de rien, les plateformes de streaming doivent y être un peu pour quelque chose. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu te rends compte aussi que peut-être en spectacle, le public connaît déjà mieux les chansons parce qu'il les écoute là-dessus avant même d'acheter l'album ou oui, la chanson? Certain. Ouais, vraiment. C'est clair, on n'a plus besoin de consommer la musique de manière comme pécuniaire, entre guillemets, là, mais on n'a plus besoin d'acheter l'album pour pouvoir le consommer puis le connaître, puis c'est ça. C'est vrai que c'est surprenant aussi d'arriver à quelque part de perdu dans le Midwest, t'sais, puis de rencontrer des gens qui connaissent ta musique, puis très bien d'ailleurs, puis tout ça, puis c'est clairement dû aux plateformes de streaming. Fait que La musique qui est encore véhiculée, c'est juste, je pense, vraiment un changement en termes de comment ça va être redistribué. Puis... Ce soir, vous êtes combien sur scène alors? On est quatre. Alors, dis-nous, qui t'accompagne? Ils sont juste derrière nous, d'ailleurs. Ah, Alexandre... prennent leur bière d'avant-spectacle. Oui, c'est ça, exact. On est comme, on a fait notre soundcheck à 11h, fait qu'on est très frétillant pour le reste de la journée. Il y a Alexandre Larrain qui joue de la guitare, Francis Ledoux au drum, puis Agathe Dupéré à la basse. Et alors, quelle ambiance tu vas nous proposer ce soir? Est-ce que ça a été difficile de choisir les chansons? Plus ou moins, j'avouerais que, en fait, c'est probablement... Tu sais, c'est un show pour lequel on s'est beaucoup préparé, puis c'est le pacing, je pense, qui a été le plus difficile. Puis par pacing, je veux dire l'ordre des chansons, puis de trouver des séquences qui fonctionnaient entre plusieurs chansons, d'essayer de les lier les unes aux autres pour avoir quelque chose de vraiment comme continu, puis... qu'il n'y ait pas de rupture dans l'ambiance, dans le fond, là. Mais en termes de chansons, tu sais, ça fait longtemps qu'on roule le spectacle, fait qu'on le sait lesquelles fonctionnent le mieux, puis lesquelles les gens ont envie d'entendre. Puis on mélange ça avec celles que nous, on aime beaucoup jouer parce qu'elles sont nouvelles ou. Ouais, surtout parce qu'elles sont nouvelles, en fait. Oui, mais il y a le contexte du plein air aussi, le fait que ce soit en extérieur, surtout dans ton style de musique où je trouve qu'il faut avoir une écoute quand même. Mm-hmm. Oui, on est dehors, mais il faut que les gens s'accroche à tes chansons, que c'est attentif aussi. Donc, est-ce qu'on y pense, ça, au contexte plein air? Oui, certainement, il faut vraiment. Je crois qu'il y a encore là une différence entre l'après-midi puis le soir, tu sais, une différence entre les genres de chaises de pique-nique, pas de camping, tu sais, les pique-niques, justement, puis en soirée, c'est d'autres genres de foule aussi, puis d'ambiance, mais certainement, il faut... je regardais la scène tout à l'heure, puis on est comme à 3 mètres des gens les plus proches. Il faut vraiment comme jouer pour tout le monde, puis tu sais, capter leur attention. Exact, ouais. Il y a tous les food trucks autour en plus, alors il y en a de la distraction. Oui, c'est clair, vraiment, c'est sûr. Elena, on va écouter un extrait de ton premier mini-album, justement, la chanson Baby. Est-ce que tu peux nous en parler avant de l'écouter? Oui, certainement. C'est, je pense, la première chanson très pop que j'ai écrite, probablement la seule à ce jour, qui est aussi pop dans la forme, disons. Puis, ça parle évidemment d'un fling, comme on dit en anglais, d'un amour passager qui était obsédant pendant une très courte durée de temps. Elle te correspond toujours aujourd'hui? Elle date de... elle est parue en 2016, mais tu l'as écrite avant. Oui, j'aime encore beaucoup la chanson, mais je ne penserais plus à l'histoire si la chanson n'existait pas. Ça, c'est ça. Elena Delan, merci beaucoup. Je rappelle que tu es en spectacle ce soir sur la scène FIB au cœur du FEC. C'est un spectacle gratuit à 20h. Voici Baby. Merci. Take off your wig, oh, let me stare. I'll keep on cross-dressing you no matter where. Paint my nails when they're dry. Undo my hair, you're taking me out for a drive. You've got Elena Delan avec Baby à CKRL 89.1. Je rappelle qu'elle sera en spectacle gratuit ce soir 20h au cœur du FEC, donc c'est sur la scène FIB. On retrouve déjà nos chroniqueurs Tania Beaumont et Jean-Claude Anto. Bonjour à tous les deux. Salut. Salut. Tania, on commence avec toi. Tu nous parles de ton défi FEC. Je rappelle que tu as écouté 51 albums d'artistes de la programmation du Festival d'été de Québec pendant 51 jours. Merci. J'allais dire 51 semaines encore. Mais non. Et j'aurais aimé avoir autant de temps. Ouais, c'est un par semaine. C'est bien. On parle des artistes qui seront ce soir en spectacle et que tu as écouté. Alors commençons avec Oh Wonder. Oh Wonder, qui est un duo qui vont jouer à 19h à la scène Belle, donc les Plaines d'Abraham. C'est eux qui vont ouvrir cette soirée très pop avec Camila Cabello, avec aussi Shawn Mendes, en tête d'affiche. C'est un duo londonien composé de Joséphine Van der Gotch et Anthony West. Et ils se sont fait connaître en 2014 avec un défi assez particulier. Ils ont décidé de composer une chanson par mois pendant un an. Et on la publiait tout de suite sur Internet. Et c'est vraiment comme ça qu'ils se sont fait connaître. Moi, j'ai écouté l'album Ultra Life, qui était comme leur premier vrai album, qui était composé dans l'optique d'être vraiment là, une compilation de chansons destinée à sous un même projet, sous un même nom. C'est de la pop alternative, de l'alt-pop, de l'indie-pop. Et c'est vraiment très intéressant. La majorité de l'album est chantée à deux voix et c'est vraiment très très complémentaire. Donc on a la voix féminine, la voix masculine, ça peut faire rappeler Of Monster and Men par exemple, The XX aussi, mais en plus joyeux, quelque chose de très froid dans la musique de The XX, alors que là on est vraiment plus sur un ton ensoleillé. C'est musicalement très étoffé aussi, on entend de nombreuses influences sur l'album et on trouve une touche d'inspiration jazz aussi sur certains morceaux, mais pas trop, là, pas assez pour déstabiliser. On reste quand même dans la pop. Et ça va faire tout juste un an que l'album est sorti. Ça coïncide vraiment avec la prestation ici même au Festival d'été. Et j'espère fortement, j'en ai parlé plus tôt dans le festival, que les gens vont être attentifs parce que c'est le genre de groupe qui vaut la peine d'être écouté en prestation. Mais les gens vont peut-être juste être là pour Shawn Mendes et ils vont tourner le dos à la scène pendant qu'ils vont se raconter leur veillée d'hier. Ça, c'est le défi de la scène Belle pour tout le festival, pour le public, hein, effectivement. Ils seront probablement là pour Cabello aussi. Ben, oui. Avec le hit international qu'il y a présentement, puis son album qui est très chaleureux, en tout cas, bref. Bon, on souhaite le même destin à Wonder, donc 19h sur la scène Belle. Oui, j'espère vraiment, j'espère. Le deuxième artiste que tu as écouté et qui sera ce soir au festival, c'est New City. New City, 17h à la scène FIB au cœur du FEC. Et moi, ça me fascine à chaque fois parce que c'est arrivé à plusieurs reprises. Je cherche un album d'artiste, mais il n'y en a pas. Par exemple, New City, 3 chansons seulement sur Internet. Et ça me fascine parce que je me dis l'industrie a beaucoup changé. Il me semble qu'avant, Jean-Claude, j'aimerais que tu commandes cette affirmation. Ça prenait un album, et là, à partir de l'album, on peut se faire une idée de comment ça sonne, et on peut te programmer ou non dans un festival. Mais là, on se base seulement sur... Surtout international. International. Mais il y a des performances, il y a des vitrines, il y a des manières de se faire connaître autre qu'un album maintenant. Puis un petit peu comme Elena Dolan l'expliquait, il y a vraiment une modification avec les sites de streaming de ne pas se faire oublier. Donc, on y va au compte-gouttes. On va déposer un EP, une chanson ici. On va regarder, tester, voir si ça fonctionne bien. Est-ce qu'on s'enligne vers ce son-là ou pas? Donc, et probablement, ces artistes-là vont sortir quelques chansons pour aller chercher plus d'attention, aller chercher une plus grosse étiquette de disque. Puis... C'est comme un premier tour de piste, si on veut. Mais c'est certain qu'on a des chiffres à l'appui. Quand on a une chanson qui a été écoutée 1 million de fois, on se dit, ben, au moins... Il se passe quelque chose. Oui, c'est ça, il se passe quelque chose. Donc, New City, groupe de Toronto, on est vraiment dans la pop et électro, c'est très dansant. 3 chansons disponibles sur Internet, Dirty Secrets, Coachella et Getting Closer, qui est la plus récente. Dirty Secrets est la plus récente et c'est vraiment très convaincant comme style. Et avec les 3 chansons, Jean-Claude, tu disais, on lance une perche, on voit qu'est-ce qui fonctionne. Et j'ai l'impression que à chaque fois qu'ils ont lancé une chanson, la fois d'avant, on était encore plus dans ce qui se passe dans la pop actuelle. On allait chercher les petites sonorités, les petits sons un peu plus aigus là, qu'on entend récemment dans la pop, dans le R&B. Et là, on en ajoute. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils sont toujours sur la vague de qu'est-ce qui est populaire à chacune de ces chansons. Je ne sais pas comment, si on veut faire un album, comment on va réussir à être vraiment dans aussi contemporain. Mais vraiment, le groupe a réussi à trouver la bonne recette pour avoir un son qui est dans l'air du temps. Et c'est intriguant. Dans les bons groupes de pop électro canadiens, en plus, New City, à 17h, un peu serré avec l'émission quand même. Mm. Mais si vous n'avez rien d'autre à faire, ou du moins, allez écouter ces trois chansons. Une belle découverte. Il faut aimer la pop, évidemment, parce que là, on n'est pas déstabilisé. Ils sont très jeunes aussi, non? Oui, oui. Est-ce que ça rejoint ce public jeune aussi? Je crois que oui. Bon, je crois que oui. Je suis jeune de cœur, donc j'ai bien aimé. C'est bon. Merci, Tania Beaumont, pour les deux artistes que tu as écoutés et qui seront ce soir au Festival d'été de Québec. Jean-Claude, autre registre. Là, on a parlé de pop, mais là, tu vas nous présenter deux groupes qui sont beaucoup plus rock. Oui. On commence par War on Drugs. Oui. War on Drugs, une des têtes d'affiche de ce soir au Parc de la Francophonie à 21h20. War on Drugs, qui est quand même, on l'a déjà mentionné, c'est une belle prise de la part du festival, et je crois même qu'eux étaient très surpris de réussir à travers son horaire très, très, très chargé du groupe, de pouvoir les avoir et de les attraper au bon moment, parce que je pense que c'est un bon moment d'avoir le groupe qui vient toujours de sortir leur plus récent album, Deeper... excusez. A Deeper Understanding. Oui, merci. qui vient tout juste de signer sur Atlantic. Ils étaient auparavant sur le label, superbe label indépendant, Circuitly Canadian. On a surtout connu War on Drugs ou Adam Grand du Ciel, comme on pourrait l'appeler, avec un album qui est sorti en 2014 qui se nomme Lost in the Dreams. C'est vraiment l'album qui les a propulsés à l'international, les a fait connaître. On parle d'un rock ici un peu classique. C'est sûr qu'à la base, ils avaient des influences très bigarrées, donc une sonorité Sonic Youth, mais aussi un côté très Americana, un peu à la Bob Dylan, dans sa manière de chanter. Ils ont réussi à trouver leur son, peut-être plus en 2010, si on veut, à vraiment aller chercher quelque chose de qui sort de l'école là, Tom Petty, Bruce Springsteen, un peu Dire Straits, donc ce rock classique-là qui est réconfortant, puis qui est un peu working class hero, là. Le rêve américain, comment est-ce qu'on l'atteint dans notre day-to-day, et c'est vraiment ce qu'ils chantent. C'est très sensible, c'est de la très belle musique, et c'est le fun parce que je crois que le parc La Franco, c'est le parfait endroit pour aller voir War on Drugs ce soir, donc c'est vraiment un beau moment, en plus un dimanche soir, c'est comme tout est là pour que ça fonctionne, que les gens soient à l'écoute et qui puissent en profiter. Si vous ne connaissez pas, allez écouter une chanson ou deux, vous allez fortement apprécier le spectacle. Est-ce que tu penses que ça sera complet ce soir pour War on Drugs? Il y a des bonnes chances. Est-ce que ça sera complet? Ah, oui, c'est fermé, oui. Je ne sais pas, mais je sais qu'il va y avoir beaucoup de gens. Je suis convaincue que ça déborde. Tania, on prend des paris. On prend les pronostics pour demain. Ouais. Tania met un 2 là-dessus. Oh oui, je le sens. Sinon, il y a Ponctuation aussi qui va jouer ce soir. Jean-Claude, ça sera sur la scène FIB à 18h30. Oui. Groupe de Québec au départ. Groupe de Québec, formation de Québec au départ, effectivement, présentement, qui sont à Montréal. Mais quand même, les compositions des albums et le core du groupe, si on veut, ils viennent enregistrer à Québec. Le plus récent album qui se nomme Mon Herbier du Monde Entier, qui est sorti, ça fait pas très longtemps. On parle de Ponctuation depuis longtemps, puis on dirait qu'il y a toujours une évolution constante du groupe. Au moment du premier album, ils étaient deux. Au moment du deuxième album, la réalité nous suffit, ils étaient rendus trois. Maintenant, ils sont quatre sur scène, et c'est bien rendu. C'est un rock québécois qu'on pourrait appeler de rock garage, mais quand même très mélodique, et encore là, on parle... Ça s'est adouci aussi avec le temps, non? Ça s'est adouci, oui, c'est un peu moins fâché, ou sur les dents, si on veut, mais je pense dans la composition musicale, on est allé dans quelque chose de beaucoup plus complexe, puis je pense que c'est pour ça, à un moment donné, qu'il n'y avait pas le choix d'ajouter les musiciens, parce qu'il ajoutait énormément de couches, et pour le rendre... à partir du studio, le rendre en spectacle, ça prenait plus de musiciens. La formation actuelle, c'est avec Emmanuel Etier, qui est aussi dans Chocolat, qui a déjà travaillé Cœur de Pirate. Il y a un membre de Hidalgue, il y a aussi un membre de Uberu. Donc, des super musiciens. On va chercher live des tonalités plus psychédéliques qu'avant, mais on reste dans le rock, vraiment bien affirmé, bien québécois, et avec des performances vraiment très solides. Même qu'ils sont rendus assez confortables, parce que ça fait pas très longtemps qu'ils jouent ensemble, sont rendus assez confortables pour faire des jams. Donc, vraiment, un bel incontournable. Oui, c'est la scène locale, mais ils sont vraiment rendus ailleurs, Ponctuation. Mm-hmm. Effectivement. 18h30 ce soir à la scène FIB, et c'est gratuit, on vous le rappelle. Ben, Tania Beaumont, Jean-Claude Anto, merci beaucoup. Plaisir. On vous retrouve un petit peu plus tard pour vos comptes rendus de spectacle d'hier soir. Voici un extrait de Ponctuation, on écoute Fleur.

Sinon, ça s'est bien passé là, pour le reste. Et c'est grâce à l'Ampli de Québec que ce soir, tu es sur la scène des scènes du Festival d'été de Québec, puisque les quatre artistes sélectionnés vont automatiquement être programmés au Festival d'été de Québec. Pour toi, qui es de Québec, ça représente quoi, participer à ce festival? Ben, je ne suis pas de Québec originairement, mais je réside depuis un bon moment déjà. Et c'est vraiment agréable. Là. C'est un festival que j'ai assisté à quelques reprises, puis aussi... c'est pas, je veux dire, j'ai déjà joué à l'anti, mais c'est comme dans un autre contexte. Là. Donc, je pense que peut-être que la foule qui va être présente, ça va amener des gens qui ne seraient pas nécessairement... Ils ne seraient pas nécessairement déplacés pour se rendre à l'anti. Donc, c'est agréable de jouer devant d'autres membres, que son réseau immédiat. Là. Et toi qui es en musique électronique, j'imagine qu'un lieu fermé, bah, en tout cas pour ton style de musique, parce que c'est vrai que musique électro, on peut penser à l'extérieur, au gros party, etc. Mais dans ta musique à toi, il y a plus l'écoute hein, qui rentre en jeu, j'ai l'impression, non? Ouais, donc en intérieur, c'est parfait. Ouais, je pense que j'aime ça, les espaces intérieurs. C'est peut-être une musique qui est un peu plus introspective, je dirais. Puis aussi... pour les projections, tout ça qui accompagne ma musique, c'est un peu plus là, dans le côté logistique, c'est plus facile. Là, j'ai hâte de voir parce que mon spectacle est relativement tôt. Là. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'éclairage extérieur qui va venir interférer. Là, mais non, j'aime beaucoup les scènes intérieures. Parle-nous de ces projections parce que c'est l'une des particularités de ton projet aussi. Oui, ben en fait, c'est au départ, le projet, quand il a pris forme, c'était vraiment... la musique qui était accompagnée d'échantillons vidéo, échantillons audio, échantillons vidéo qui étaient déclenchés en simultané. Puis, suite à ça, s'est développé un projet de musique électronique. Puis, j'ai gardé là, ce concept-là là, avec mes spectacles live. En fait, j'utilise des échantillons vidéo que je filme ou que je vais aller chercher sur des archives sur l'Internet, tout ça. Puis, je vais composer un peu une trame là, qui va accompagner les pièces. Là. Donc, c'est un peu un genre de découpage vidéo que je vais déclencher en direct durant mes spectacles en même temps que les échantillons audio. Donc, c'est toi qui lances ces projections en même temps que tu joues. Oui, je fais un peu le rôle de VJ en même temps de jouer mes trucs là, en spectacle. Là. T'es vraiment solo sur scène? Ouais, je vais être tout seul. Ouais. Et t'es tentaculaire alors pour pouvoir faire tout ça en même temps. C'est ça. Et y a cette envie de rester en solo aussi parce que c'est ton projet Gramophone, ça réside... en une seule personne? Ouais, en ce moment, c'est plus simple. Là. C'est pas, comment je pourrais dire, je suis absolument pas fermé à l'idée d'ajouter d'autres membres là, dans certains cas. Ben, y a des collaborations qui s'en viennent pour l'album. En ce moment, pour le live, là, c'était moins possible, mais il risque peut-être de se greffer des gens un peu plus tard dans le projet, peut-être pour d'autres albums. Là. Des collaborations aussi, comme on en trouve beaucoup dans la musique électro. Est-ce que tu partirais là-dedans? Ouais, ben j'ai moins été porté à faire, on voit beaucoup de featuring là, dans la musique électronique, collaboration là, musique-voix. Là. C'est un peu moins la direction que je vais prendre avec le prochain album. Là. Parce que t'es plus dans l'instrumental c'est aussi. C'est beaucoup plus de la musique instrumentale, un peu plus cinématographique, là, je dirais, mais je me ferme pas l'idée de faire d'autres pièces là, avec de la voix, ou c'est pas pour être pour d'autres gens là, dans d'autres contextes, ça pourrait être intéressant. Mais. C'est intéressant que tu parles de musique cinématographique, parce que oui, c'est le genre de musique qu'on verrait bien accompagner un film, une série, peu importe. Est-ce que c'est quelque chose que tu touches aussi? J'en ai jamais fait, non. Ben, y a des choses qui vont peut-être s'en venir pour l'année prochaine. Là. Pas du côté du cinéma, là, mais pour faire de la musique pour d'autres gens, pour d'autres projets. Il y a des choses qui s'en viennent, mais c'est vraiment une avenue que j'aimerais ça explorer. Là. Donc, s'il y a un réalisateur là, qui entend ça et qui écoute mes choses, là, certainement. Je suis extrêmement ouvert. J'en doute pas une seule seconde. C'est un spectacle de combien de temps que tu présentes ce soir? Ça va être un spectacle d'environ une heure là, ce soir. Là. Donc... Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Parce que tu as travaillé sur un nouvel album aussi. Oui, il y a beaucoup de pièces. En fait, la grande majorité du spectacle, 6 pièces sur l'ensemble, là, ça va être des pièces que j'ai jamais jouées qui vont paraître sur le nouvel album. Je les ai jouées déjà live, là, mais c'est des nouvelles pièces qui n'ont pas été présentées à Québec. Là. Qui ne sont pas en disque. Oui, exact. Et t'en as sorti une, d'ailleurs, une nouvelle pièce au mois de juin, qui s'appelle Trails. On va l'écouter. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est probablement une des premières pièces qui a été composée là, pour le nouvel album. J'ai essayé de me détacher un peu du... J'ai tendance à utiliser beaucoup des tempos lents, puis vraiment, là, c'est une pièce un peu plus rapide, un peu plus frénétique. Je suis allé explorer un peu plus des tempos plus rapides, puis aussi plus de... plus de couches de son. Normalement, c'était assez minimaliste, mon approche. Là. Donc là, c'est un peu plus étoffé, là, je pense, au niveau de l'enregistrement et tout ça. Mais... Donc, instrumental, mais les titres, il faut quand même les trouver sur ces pièces. Elles sont en anglais comme en français, d'ailleurs. Est-ce que c'est difficile de trouver un titre pour une pièce où c'est vraiment introspectif, comme tu dis? En général, je me pose des questions ou je demande à des gens là, à savoir qu'est-ce que ça évoque et à quoi ça peut faire penser. Là, Trail, c'était un peu, j'ai l'impression que c'était un peu comme une course ou un peu ça évoque un peu la nature ou bref. Donc... On va l'écouter pour s'en faire une idée. Gabriel Gagné, merci beaucoup. Je rappelle qu'avec Gramophone, ton projet personnel, tu seras en spectacle ce soir à l'Antis. C'est à 19h30. Vous avez votre laissez-passer, tant mieux. Sinon, c'est 10 $ à la porte. Donc, on peut même se présenter si on veut voir juste toi. La soirée à l'Antis, c'est seulement 10 $. Merci beaucoup. Super, merci à toi. Voici Trails. On vient d'entendre Gramophone avec Trails à CKRL 89.1. Je rappelle qu'il jouera ce soir, c'est le projet de Gabriel Gagné, ce soir 19h30 à l'Anti Bar et Spectacle avec votre laissez-passer ou 10 dollars à la porte. Un groupe qui, ça y est, commence à s'installer tranquillement au Festival d'été puisqu'ils ont joué déjà hier soir à la scène FIB à 20h, mais ils vont rejouer ce soir à 19h30, notamment avant Jane. C'est le groupe Sax Machine qui nous vient de France et de Chicago. Alors, autour de la table, j'ai les trois membres de Sax Machine. Bonjour à tous les trois. Hello. Bonjour. Bonjour. Alors, racontez-moi un petit peu, parce que vous êtes deux membres qui vivent à Rennes, en Bretagne. Et puis, on a le troisième membre qui, lui, vient de Chicago, qui vit à Paris aujourd'hui. Comment s'est fait la rencontre? Alors, la rencontre s'est faite par Sébastien Rosé, ici présent, qui est notre booker. Et en fait, il a connecté avec le groupe Soul Square, qui est à Nantes, avec lequel Racecar faisait déjà des featuring. Et nous, on a invité Racecar à venir à Rennes passer une après-midi pour jouer, pour improviser. On a improvisé tous les trois la musique. Et le courant est super bien passé, aussi bien musical que humain, quoi. Et ça fait combien de temps que vous avez cette formation actuelle? Ça fait 5-6 ans, un truc comme ça. D'accord. Ouais. J'ai demandé à Racecar justement qu'est-ce qui lui a donné envie de venir en France pour faire de la musique avec vous. So Racecar, what did you want? Why did you want to join Sax Machine to play music? Oh. That's a very, very good and difficult question. Tell me. I must contemplate for 2.5 microseconds. I felt like the quality from the afternoon session that we had, the quality of a saxophone player here and this trombonist and all the ideas that we could come up with, I felt it was a good place to be. Mm-hmm. You know, really good energies and good ideas as far as music. So, pourquoi pas? Bien résumé en français. Là, il explique que vous avez eu une session en après-midi ensemble de musique. Ça s'est bien passé, ça lui a plu. La qualité était au rendez-vous. Alors il s'est dit pourquoi pas. C'était quand cette session d'après-midi? C'était en France? C'était en France, c'était à Rennes il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Un dimanche après-midi, je crois. On lui a envoyé un billet de train aller-retour depuis Paris, parce qu'il venait juste de s'installer à Paris. Et voilà, on s'est amusé vraiment comme des enfants. Et. Avec un tel nom, Sax Machine, c'est sûr qu'on s'attend à du saxophone, à des cuivres quelque part, quelque chose de dansant. Dans votre description sur le site du festival, on voit électro-hip-hop, mais ça va aussi plus loin avec d'autres influences. Ouais, ouais, y a des influences un peu de musique de l'Est, beaucoup de la Nouvelle-Orléans. C'est vrai qu'on s'amuse à puiser un peu chacun dans notre culture musicale qui nous est propre, à chacun. Et tout ça fait une espèce de mayonnaise. Sur scène. Alors c'est vrai que sur scène c'est très improvisé. On est hyper libre de changer les choses, de changer les structures, de créer des nouveaux morceaux sur le moment. Et ça nous permet de s'adapter un peu au public qu'on a en face en fait, selon l'énergie qu'on ressent et de donner une énergie et voilà, que ça soit vraiment en lien et communicatif. Mm-hmm. Racecar est le maître de cérémonie, le MC donc. Guillaume, on te retrouve au saxophone et aux machines, parce que les machines sont bien présentes, hein. On les retrouve dans le nom, mais elles sont aussi sur scène. Et Pierre, trombone et machine aussi. Et hier, il y avait un invité tout spécial aussi. Vous avez eu un danseur, presque un break dancer pendant toute la soirée. Racecar, en fait, j'ai appris que c'était le neveu de Racecar. Je suis arrivée un peu après la présentation de votre danseur. Racecar, you had a special guest yesterday night. Yeah, my family drove up for the festival from Chicago. My family drove from Chicago to the festival to come join me, and FEQ was kind enough to invite them onto the stage, and he just ended up dancing for the entire set. It was fun. It was nice. Bah, Racecar étant de Chicago, il y a sa famille qui est venue spécialement pour le voir depuis Chicago, donc ils ont pris l'auto, ils ont roulé et puis ils se sont retrouvés au Festival d'été de Québec hier, et Racecar voulait honorer leur présence, donc il y a son neveu de quel âge? How old is he? More or less. Six, five? Six, seven, I believe. Seven, ouais, il a à peu près 6-7 ans et il a dansé, mais avec une énergie complètement dingue, sur scène, voilà, sans arrêt. Je pense qu'à un moment, on a voulu le faire sortir, mais il a continué. c'était un bel ajout à ce spectacle. Est-ce que vous avez envie, justement, d'offrir votre musique, que ça soit fédérateur pour toute la famille? On peut venir en famille voir Sax Machine. Ouais, je pense que c'est, même si c'est une musique assez hip-hop, c'est un hip-hop très, comment dire, qui correspond à la réalité dans laquelle on vit. On n'est pas du tout en mode où on décrit des choses ou alors on revendique des choses. C'est plutôt des histoires de vie. Et nous, on aime bien jouer, comme on improvise beaucoup, de jouer comme on est, en fait. Et effectivement, on se rend compte, et c'est un truc qui est complètement inconscient, on ne l'a pas choisi, mais on se rend compte que du coup, on plaît à un public très large, à la fois jeune, à la fois plus âgé, qui aime plutôt le jazz. Et voilà, c'est une sacrée expérience. Ouais. Donc pas besoin de jouer uniquement dans des bars 18 ans et plus ici pour appeler les adultes. On vient en famille et c'est le cas de la scène où vous avez joué hier qui est très familiale et souvent les gens viennent avec leurs poussettes, avec leurs enfants aussi. Donc une belle expérience pour le neveu de Ray Scar hier qui a dansé pour la première fois sur scène. Je vais lui demander est-ce qu'il a eu les impressions de son danseur hier soir après le spectacle. Did you get the impressions of your nephew after the show? Yeah, I had no idea. You have no idea? I had no idea. Yeah, he was a dancer like that. So. Ah. You told me he talked about the show during the night. Yeah, he spoke about the show to the rest of my family in the hotel until he fell asleep. When did he get to bed? Do you know? Late, very late, no? It was maybe a few hours after the show. Oui. But I think everyone was good. It was a very good moment. Oui. I'm just happy. It was good to share it with my friends here and also with the festival. Mm-hmm. Really nice. Mais évidemment, je lui demandais si son neveu avait fait part de ses impressions après le spectacle. Et Ray Scar me disait qu'il n'avait aucune idée que son neveu ait déjà dansé comme ça. Puis il a parlé toute la nuit, bah, en tout cas pendant plusieurs heures, à sa famille de sa performance sur scène, sa première avec Sax Machine. Vous avez fait paraître un album aussi qu'on peut découvrir sur scène, mais qu'on peut aussi se procurer après le spectacle, Bubbling. Il y a une ambiance en spectacle quand même que vous avez avec vos machines, vos trombones et saxophones. Comment on fait pour transposer ça sur disque tout en étant festif puis en retrouvant cette ambiance spectacle, ouais, live? C'est vrai qu'on aime bien proposer un live différent de l'album. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus de groupes, surtout dans le hip-hop, rejouent l'album texto, exactement. Il y a même des rappeurs qui jouent par-dessus le morceau de l'album, et avec leur voix qui est déjà à l'intérieur du morceau, par-dessus. Donc nous, on va complètement à l'inverse de ça, et on aime bien proposer un truc vraiment live, et qui va carrément plus loin que l'album, en fait. Il faut savoir que, par exemple, là, sur le set qu'on a joué hier soir, on a dû jouer peut-être deux morceaux de l'album. Et le reste, c'est des trucs qui sont soit pas sortis, soit complètement improvisés, trouvés sur le moment. Et c'est vraiment un process qu'on aime bien. Donc vraiment deux expériences complètement, ouais, différentes. Je dis, on peut repartir avec l'album, mais c'est sûr, si on vous a aimé, vous n'êtes pas d'ici, on peut vous écouter plus souvent. Mm-hmm. C'est quand même un bon souvenir à rapporter à la maison. Ce soir, vous jouez en première partie, du moins vous précédez Jane, que vous devez bien connaître parce qu'en France, c'est tout un phénomène aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cet artiste, la continuité que vous allez offrir avant ce spectacle? Je connais pas Jane. Tu connais pas Jane? Non, j'ai eu peur, j'ai dit mince. Écoute, pour être honnête, je connais un peu Jane, mais pas tant que ça. Mm-hmm. On connaît quelques musiciens qui ont tourné avec elle quand elle est en tournée en France, parce qu'elle peut du coup inviter beaucoup plus de musiciens avec elle. Et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir son set, parce que c'est la première fois que je vais pouvoir la voir en concert. Donc ça va être encore de la découverte pour vous ce soir, en allant voir Jane. Oui. Est-ce que vous avez profité du festival hier soir? Parce que vous avez fini vers 21h, est-ce que vous êtes promené un petit peu? Ouais, on est passé aussi à la scène où la Hydro, justement, où il y avait les Soul Rebels. Là. Mm-hmm. Là, on s'est pressé un petit peu parce qu'on avait le matériel à ranger, nous. Oui. Et de manger aussi, mais ouais, on a pu profiter un peu de la fin du concert. Après, on est remonté sur la scène belle, mais le temps de se déplacer, en fait, après les concerts finissent vers 11h, minuit, ça ferme tôt ici. Oui, ouais, c'est vrai que c'est plus tardif en France. Ouais, un petit peu plus. Ouais. En extérieur, ça peut aller jusqu'à 1h du matin, mais vous êtes loin souvent des grands centres urbains. Ouais. Et c'est vrai que ce Soul Rebels, c'était vraiment chouette d'aller les voir parce que ça fait partie de nos influences. Mmh. Nouvelle-Orléans. Et puis on a eu l'occasion, Pierre et moi, de passer un peu de temps là-bas et de rencontrer les musiciens des brass bands de là-bas. Donc vous avez apprécié hier? Oui. On va écouter un extrait de cet album Bubbling, c'est We Are Here. J'aimerais bien que vous me présentiez la chanson avant de l'entendre. Ça tombe bien que tu parles de ce morceau parce que c'est le morceau qui est le plus influencé de la Nouvelle-Orléans, justement. Alors écoutons-le, extrait de l'album Bubbling. Et si ce soir on veut se procurer l'album, bah, direction la scène Hydro-Québec, 19h30 pour ce spectacle gratuit. Encore une fois, ça sera avant Jane. Voici We Are Here. Merci. Sex Machine. Merci à toi. Merci. Which side is this? So Simon says, hey, co-sign with this. Scientist, what the climate is? This climate sucks. Hey, you know what time it is. What is it you're trying to touch? Dying to clutch. I ain't trying to rust because I ain't tried enough yet. The mining of the presence, the gift to gather gold, get the grinding and the reason. The lining is a season and time is of the essence. You learn your funkin' lesson, fasten to the front of work. From the work, from the first sitting up, so much your stomach hurts. Luck is destined, love to live, the lesson, life above the mention, and a little bit of buzz they bending. Ever present, trapping states and grabbing guesses. My guesses will be tapped away from passing sessions. Prepare, pack, and wait and stab in heaven. Pass, we can pass to get back, don't sit back, get back up. Have to look ever, never. And we ain't going nowhere, my man. My man, we continue, continue to bring it on up. Swing it on full, bring it on through. And we ain't going nowhere, my man, cause we have this. So we got the energy to get out and never have to look ever. And we ain't going nowhere, my man, we continue to bring it on up. Swing it on full, bring it on through. Culturel. Cultural journey. Excursión cultural. Gita culturale. Hello, hello, hello, hello. Continuons de croire que notre couleur de peau est la plus belle. C. Notre civilisation la meilleure. K. Notre religion la seule vraie. R. Et à la fin. L. Crevons d'être trop riche, d'être trop gras. D'être trop con! Alors, que faire? J'explique, je démontre. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? J'anime. C'est KRL. Communication, culture. Le vieux Limoilou s'est refait une beauté juste à temps pour l'été. Venez rencontrer vos commerçants de la 3e avenue. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. Puis je vous dis que c'est aussi à ce moment précis qu'on comprend pourquoi on appelle ça des gourmandises artisanales. Plus de 40 variétés de pain, sandwich, pizza au four à bois et pâtisserie. Boulangerie La Boîte à pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. Avec 4 491 lots à gagner, dont deux lots d'un million garantis et des lots en marchandises, la loto de l'été, ça te change un été. Ça te change un été, pas pire. Tirage le 16 août. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Pourquoi être membre de CKRL? Parce que tout simplement, c'est la meilleure radio au monde. Et aussi parce que vous économisez 20% au bar salon Quartier Général, 1 boulevard Charest-Ouest. Devenez membre sur ckrl.qc.ca. Le dimanche en 5 à 7, montez à bord de Racine Musicale, commandé par des amoureux du reggae. Bigou et Selecta Jalabaman. Quand j'entends le rythme, ce rythme qui existe, le tambour qui fait boum, mesdames, qui bat dans l'harmonie. Une émission qui vibre et qui fait voyager au travers des styles et des années. C'est KRL 89.1. Le Vieux Limoilou s'est refait une beauté, juste à temps pour l'été. Venez rencontrer vos commerçants de la 3e avenue. Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturelle. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Dernière demi-heure de sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec. On est toujours au bar Le Sacrilège. Si vous voulez nous voir, nous rencontrer, 447 rue Saint-Jean. Surtout que là, c'est les chroniqueurs autour de la table. Tania. Surtout. Bah oui, c'est juste pour vous. D'ailleurs, ça y est, on a la confirmation. Pardon, Pierre Lapointe devrait nous rejoindre d'ici la fin de l'émission. On l'attend pour 17h15. Il vient chroniquer. Oui, il vient chroniquer. Il nous parle des spectacles qu'il a vus. Voilà, exactement. Alors, on va commencer, Harry, Jean-Claude, Tania, par les spectacles que vous avez vus hier soir. Tu commences, je commence. Samantha Martin, on était devant la même chose. Ouais, c'était la belle surprise, je crois, qu'on n'avait pas écouté tant que ça, ni un ni l'autre. On est arrivé là-bas, on chialait qu'il manquait de saleté dans notre funk soul, mais je pense qu'on était servi à souhait. C'était exactement ce qu'on recherchait depuis le début du festival. On l'a eu hier d'entrée à la Place Hydro-Québec. La voix, elle se fait comparer un peu à Janis Joplin, une espèce de rauque à l'intérieur de sa gorge qui sort, mais elle déploie son et en plus les choristes qui sont là, qui l'accompagnent, la présence sur scène, les solistes, le paquet était là complètement. Le band est là, c'est vraiment une belle formation de Toronto, c'est une belle surprise canadienne. Je trouve qu'ils ont vraiment un son comparable à Sharon Jones and the Daptones, and the Dapkings, pardon. Donc, si on cherche ce genre de soul funk-là, on va le retrouver avec Samantha Martin and the Dirty Sugar, chose qu'on cherche peut-être avec Anna Williams, qu'on n'a pas retrouvé. Super belle surprise hier. Effectivement, il n'y avait pas grand-chose qu'on avait la chance d'entendre, mais ils ont déjà deux albums. Reste à voir si ça sonne comme ça en studio autant qu'en live. Mais moi, on me dit que le Palais Montcalm, Grand Théâtre Impérial, n'importe quand qu'elle revient à Québec, je veux revoir ce spectacle-là parce que c'était contagieux. Juste les interventions aussi qu'elle fait entre les pièces, tu vois qu'elles sont vécues, c'est les peines d'amour, c'est un peu toute cette espèce de naissance du soul, c'est un peu les cœurs brisés, c'est vraiment ça, l'alcool, les cœurs brisés, on dirait que ça transparaît. Cette femme-là a du vécu, elle a eu des peines d'amour, puis elle a bien écrit les chansons pour en parler, et quand elle le chante, elle le laisse sortir du plus profond de son cœur. Alors, première belle surprise hier soir au Carré Diouville, Tania, on est arrivé juste après pour Da Cruz, nous. Oui, j'avais hâte, j'avais envie d'entendre Da Cruz. J'avais parlé de l'album, entre autres, qui m'avait bien plu, Écho de Futuro. Il me semble bien. Et elle avait son costume de scène, qu'on peut voir d'ailleurs dans certains vidéoclips, avec une espèce de collet argent un peu futuriste, avec plusieurs musiciens qui l'accompagnaient avec elle. Et tout de suite, je pense qu'on n'a pas voulu perdre de temps et donner le ton au spectacle. spectacle, donc quelque chose de très dansant. Elle a tenté de nous parler en français. Ben, je pense que son gros hit a été « ça va, ça va ». Donc, c'est la phrase. mais il y avait cette envie de communiquer non seulement par le verbal, mais par la musique aussi. Elle a lancé des messages humanitaires, on peut dire. Elle a souhaité que tout le monde ait une bonne éducation, une éducation gratuite aussi, à travers cette musique qui était très, très festive. J'ai dansé un peu, je dois l'avouer. Quand ça s'empare de moi, là, il se passe quelque chose. C'est que le rythme est vraiment très, très bon. C'est sûr que sur scène, c'est un peu plus homogène. Ce que j'avais aimé de l'album, c'était la variété entre le ton des pièces, les styles. Toujours, on était dans la musique du monde. On pouvait aller du reggae, des fois un peu plus brésilien, plus africain. Mais c'est certain que c'était un peu plus homogène sur scène. Mais c'est quelque chose de vraiment très dansant, très festif. Elle avait l'air heureuse d'être là. Je dirais jusqu'à maintenant, là, moi, la prestation qui m'a le plus plu du festival pour cette communication, cette volonté aussi de vouloir parler au public et tout simplement de partager quelque chose. D'ailleurs, Dacruz a fait monter sur scène beaucoup de gens, pas juste une personne ou deux, mais vraiment beaucoup de gens pour danser avec elle. Ouais, facile, 40-50 personnes. Ouais, pratiquement. Ouais. Donc, il y avait peut-être, comme tu disais, 40-50 personnes sur scène, pas seulement sur la dernière chanson, mais sur les deux dernières. Donc, j'ai beaucoup aimé ce spectacle très inclusif de Dacruz, qui en était pas sa première venue à Québec, mais qui aimait toujours la rencontre avec son public. Moi, pour moi, le Carré du Ville, c'est ce qu'on a vu hier avec Dacruz. C'est un spectacle fédérateur, toutes les générations réunies. Les gens dansent, même ceux qui n'aiment pas danser habituellement. Ouais. On est obligé de danser. Et j'ai aimé, il y avait une toute petite communauté brésilienne qui était là. Puis les Brésiliens, quand ils sont là, il faut qu'ils le montrent. Et elle s'est adressée plusieurs fois à eux aussi. Et je trouvais que c'était très contagieux de voir le sourire des gens autour de ce spectacle. Donc oui, le Carré du Ville, il faut y aller pour ça. On parle de musique du monde pour une étiquette très globale, mais ça va vraiment plus loin dans ces rencontres. Et on n'a pas besoin de laisser passer. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas y aller. Quand c'est gratuit comme ça, effectivement. Voilà. Comment s'est poursuivie votre soirée, Harry? Moi, j'étais ambivalent sur est-ce que je vais voir d'autres choses, est-ce que je vais pas voir d'autres choses. Finalement, je me suis laissé avoir par le rock'n'roll et je suis allé voir Sebastian Bach. Et je pense que ce fut la meilleure décision que j'ai prise de ce festival, en tout cas à date, parce que je me suis fait envoyer en pleine face un spectacle de rock'n'roll. Comme ça faisait longtemps, je peux dire que j'ai assez de doigts dans une main pour dire le nombre de spectacles que j'ai vus qui m'ont étonné, épaté justement pour un... Sebastian Bach, c'est le frontman des années de Skid Row qui était leur année glorieuse au début à fin 80, début 90. Et il continue à rouler là-dessus. Il y a eu des albums solo, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais peur justement que ça tombe dans les albums solo, mais ce ne fut pas le cas du tout. Il a commencé avec Slave to the Grind, qui est comme la pièce titre du deuxième album. Et ce fut une claque au visage. Il est en forme, la voix est encore là. Il répétait après 30 ans de métier, il interagissait avec la foule, il parle français, c'est un Ontarien, il a appris le français à l'école, il a parlé en français un peu, il parle un petit peu français, puis il réussit avec un charisme encore présent à prendre la foule dans sa main et faire ce qu'il voulait avec hier soir. En enchaînant hit par-dessus hit, il a joué presque l'entièreté de leur premier album éponyme, 18 in Life, I Remember You, Here I Come, en tout cas, bref, Big Guns, tout était là, j'étais là, mais voyons, ça se peut pas, c'est sans arrêt, c'était une pièce après l'autre. Puis ensuite, c'est venu le moment où ce qui a rendu l'hommage à Vinnie Paul, puis ils ont joué entre Monkey Business, ils ont joué Cemetery Gate de Pantera. Ça, c'était... En fait, j'avais pas été voir sur cette liste parce que justement, je voulais pas me faire gâcher les surprises, mais ça fonctionnait. Parce que c'est facile d'essayer de faire une reprise de Pantera. Le bien le rendre, c'est une autre chose. Il avait le vocal, ils l'ont adapté un peu plus à leur image, mais ça fonctionnait. Et ensuite de ça, juste avant, il y avait joué Little Wing de Hendrix aussi. Ils sont gâtés une couple de covers. Pendant You'd Gone Wild, qui est leur gros succès, ils ont fait Shout at the Devil de Motley Crue. Pour ensuite finir, parce que là, il y avait déjà dépassé, il était supposé de finir avant 10h30, vers 10h15, puis ils ont duré jusqu'à près de 11h, ça veut dire près de 2 heures de spectacle, pour finir avec une partie, une version de 2 minutes et demie de Tom Sawyer de Rush. Étant canadien, il a voulu rendre un petit hommage pendant leur tournée canadienne à ce grand groupe légendaire canadien. Sincèrement, je pense que j'ai parlé avec plusieurs de mélomanes qui ont vu le spectacle. On a vécu un moment hier soir. c'est le fun, le festival. Et il a remercié le Festival d'été de Québec parce qu'il est arrivé hier, puis il a réussi à rencontrer un de ses idoles qui était Neil Young. Il était vraiment, vraiment content. Je ne sais pas à quel point c'est fake. Tu ne sais jamais pour des personnes que ça fait longtemps qu'ils sont dans le business. Mais il a dit que c'était la meilleure date de la tournée canadienne qu'ils ont fait à présent, puis une des meilleures crowds qu'ils ont vu depuis longtemps. Mais on connaît le Québec comme public métal, oui, aussi c'est très ça. Fidèle, yes. Donc ce ne serait pas très étonnant non plus. Non, c'est ça. Je pense qu'il a vraiment apprécié la foule québécoise et que le monde connaissait toutes les paroles, à peu près toutes les chansons. Alors c'était Sébastien Bach hier à l'Impérial Belge. J'imagine que le public métal était au rendez-vous. Ah oui, c'est ça le comble. Jean-Claude, moi aussi côté... j'ai suivi le rock'n'roll, mais d'une autre façon, un autre type de rock'n'roll, le rock'n'roll qu'on appelle le rap. Je suis allé voir Loud sur les plaines. J'étais curieux de voir où ce qu'ils en étaient rendus avec sa performance depuis qu'il est parti solo. On le connaît, on l'a découvert avec Loud Larry Hedges, LLA, et il y avait déjà un bon succès. On dirait que depuis qu'il est solo, sa popularité et son cheminement n'arrêtent pas de grandir. D'ailleurs, on lui a remis un prix hier, un prix Socan, vu qu'il a... Tu sais, le hip-hop et le rap, ça fait plus de 40 ans que ça existe au Québec, peut-être 25 ans. Eh bien, c'est la première fois, le premier artiste qui a un numéro 1 radiophonique au Québec avec un succès rap. Donc, c'est vraiment, on brise les barrières. Oui, t'es pas sûr? Hey, je la trouve pas si rap elle, que elle ça, rap, oui. Mais elle est légère rap. Là. Elle est légère rap, mais il y a des trucs qui sont country, mais vraiment légèrement country. Ouais. Mais c'est un début quand même. Ouais. Mais elle cadre très très bien avec ce qu'il fait comme démarche. On s'éloigne pas trop quand même sur l'album. Il a pas penché dans le dance nécessairement, puis il rappe. Mais effectivement, c'est peut-être plus mélodique que bien des trucs. Sauf que ça reste que les plaines étaient quand même bien remplies pour sa performance. Et suite à sa performance, beaucoup de gens ont commencé à quitter. Est-ce qu'ils allaient manger pour revenir plus tard? On ne sait pas. Mais quand même, beaucoup de gens étaient là pour lui. Aujourd'hui, il y avait un pop-up fake au Parc Victoria. Il y avait 300-400 personnes qui étaient là juste pour lui. Un truc qu'on apprend une heure avant. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. J'aime pas appeler phénomène, le mot phénomène, puisque c'est éphémère un peu, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe avec Loud et sa percée, la popularité du rap au Québec. Il procure vraiment là, beaucoup de plaisir. Les gens chantent ses paroles, ils s'attachent à lui, ils l'aiment beaucoup. Donc, superbe performance. Donc, chapeau à Loud de 1. Faire les plaines et de deux, de réussir à attirer les gens tôt dans la soirée. Mmh. Et Loud remplit très vite les salles aussi maintenant avec toute cette médiatisation. Donc les plaines, il y avait de la place pour le voir aussi, je pense. Tania, Jane Birkin hier aussi au Parc de la Francophonie. Oui, un spectacle symphonique en extérieur. Une belle soirée certainement qui a commencé quand même avec un peu de retard. Hein. On se demandait même qu'est-ce qui se passait parce que l'orchestre était déjà en place. Moi, j'étais pas surprise. Les 10 minutes de retard à la française, comme on dit en France maintenant, c'est normal. Tout était normal. Est-ce qu'il y avait une flûte traversière? Il y avait une flûte traversière. Ça complète le palmarès. Ça complète mon palmarès. 3 soirs en 3 de personnes avec des flûtes traversières au Parc de la Francophonie. Mais c'est ça, c'est certain que c'est quelque chose de très grandiose. Il ne fallait pas nécessairement s'attendre à beaucoup d'être enlevé. Il y avait quelques moments où là, on sentait la puissance de l'orchestre symphonique. C'est ce que j'aime dans ce genre d'adaptation. Alors que là, on restait quand même hein, sur quelque chose d'assez léger, d'assez enveloppant. Si on était très près, je crois, avec une chaise, il pouvait peut-être se passer quelque chose de plus dans la... On parlait la de communication, communication c'est ouais. Ça. Mais si on était un peu plus loin, plus reculé, c'est certain qu'on pouvait se perdre un peu dans ce côté un peu plus planant. C'est certain que les chansons de Gainsbourg portaient aussi sur ce rythme. Mon Jane Birkin qui s'est livrée à nous hein, en parlant aussi de sa relation avec Serge Gainsbourg à certains moments. Je pense que c'est ces moments-là qui étaient aussi très parlants, très émotifs aussi de la voir nous parler de sa relation. C'était bien, c'est Jane Birkin. On ne s'attend pas non plus nécessairement à une très grande voix, comme toujours, mais solide là pour porter ses mots, porter ses chansons. Un bel événement, beau concert, unique, mais c'est certain que... Il manquait peut-être un petit quelque chose. Mais j'en avais parlé avec Jean-Claude, la peur de l'extérieur aussi. Est-ce que le public allait être attentif? J'ai rarement vu un public aussi suspendu aux lèvres de l'artiste dans ce genre de spectacle. J'ai eu la chance de me glisser tout à l'avant au premier rang de chaises, là. Donc effectivement, les gens étaient là tôt et étaient là pour elle. Et effectivement, il y avait des regards qui trompaient pas et qui accrochaient avec le public. Et de savoir se positionner aussi quand l'orchestre part dans de grandes envolées instrumentales. On regarde où, on fait quoi. Et Jane Birkin avait des regards qui partaient très loin aussi, qu'on voyait qu'elle se laissait porter par la musique. Donc oui, il y a eu des moments très touchants et je pense que le public qui était là hier s'attendait à ça parce qu'on l'a écouté du début à la fin. J'ai pas vu des chaises partir à l'avant trop tôt non plus. Donc vraiment un très très beau moment. Je pense que oui, ça sera marquant dans l'histoire du Festival d'été de Québec. Quoi qu'il en soit, pardon. Ce soir, qu'est-ce que vous allez voir? On doit déjà écourter pour nos critiques d'hier soir, Jean-Claude. Ce soir, Ponctuation, Elena Dolande, et je termine ma soirée avec Warren Drug. J'ai très très hâte. Tania? Finalement, Jane, c'est ce que je vais voir, Parc de la francophonie. Non, c'est pas vrai. Saint-Hydro-Québec. C'est Saint-Hydro-Québec, voilà. On en parle beaucoup, donc bien hâte de voir ce qu'elle a à offrir. Moi, je vais valser entre Saint-Hydro-Québec et la place de la francophonie. Je ne sais pas encore qui je vais voir et quoi. Ça va être M. Ward, Sex Machine, Warren Drugs ou encore Jane. Je ne sais pas. On verra ça demain. Ça fait partie de l'expérience du festival d'été de se décider en dernière minute aussi. De mon côté, ça sera Jane aussi pour voir ce que ça donne ce soir et de voir plus amplement aussi Sex Machine. À ne pas manquer, Jean-Claude, tu en as vu quelques chansons hier. Trois extraits, vraiment, ça vaut la peine. Il faut arriver tôt, expérimenter ce trio-là qui donne rempli d'énergie, qui donne le goût de danser. Donc, une super mise en bouche avant Jane. Et à l'Impérial aussi, à ne pas manquer, évidemment, Pierre Lapointe qui présentera son spectacle La science du cœur. Ça tombe bien, il est là pour nous en parler dans quelques minutes. On écoute un extrait de l'album Alphabet. Toujours faire rimer amour avec toujours. B. Les initiales bébé. C. Pour toi, eau blanche cocaïne. D. Souvenir du dada Zurich. Qui sort de ta bouche. F. La femme qui se réveille en toi. G. La reine gastronomique des sens. H. Les homos hurlent à la lune. I. L'intelligence de ne pas choisir. J. Le jour qui repousse la nuit. Alors, on est de retour pour le dernier segment de l'émission Sortie culturelle au Festival d'été de Québec. Je vous rappelle, on reçoit les artistes qui font partie de la programmation quelques heures avant de monter sur scène. Et c'est le cas de notre prochaine invité. On vient de l'entendre. Pierre Lapointe est avec nous. Bonjour Pierre. Salut. Ce soir, à l'Impérial Bell, à 21h, pour présenter le spectacle La science du cœur. Ouais. On ne pouvait pas imaginer ce spectacle en extérieur quand on connaît la tournée de ce spectacle. Non, c'est ça. C'est un spectacle qui... On a emprunté beaucoup au monde de la musique classique. Donc, il y a un pianiste et un marimbiste. Philippe Chu au piano et João Catalán au marimba. On a une structure d'éclairage extrêmement actuelle et contemporaine. Mais l'approche, même si dans le son c'est très contemporain, l'approche sonore et instrumentale, à l'extérieur, c'est un peu casse-gueule, en fait. Donc, le choix de l'Impérial est très bien fait pour ce soir. Quoique, on a souligné qu'il y aurait certainement beaucoup de frustrés qui ne pourront pas rentrer ce soir. Je pense qu'il va falloir être assez agressif pour rentrer. Il faut arriver assez tôt pour faire la ligne en avant du théâtre. Mais c'est tant mieux, parce que ça crée une urgence. Puis pour nous, sur scène, ça veut dire que les gens qui vont être dans la salle vont être dans un état électrique. J'ai très hâte. Même si vous avez votre laissez-passer arrivé tôt, parce que c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Mais je pense que tu vas nous dire que ça vaut la peine de voir Félix Diot à 19h45 Diot, juste oui, avant absolument. Toi. Absolument, mais Félix Diot, en fait, c'est avec lui que j'ai co-écrit la chanson The Piclone qui est sur La Science du Cœur. C'est lui qui m'accompagnait sur Punct. Il est en train de travailler en ce moment sur l'album d'Evelyne Brochu, l'actrice, avec qui j'ai co-écrit une chanson d'ailleurs sur le disque. Félix est probablement de nos meilleurs auteurs-compositeurs en ce moment au Québec. Il a sorti un disque hallucinant. Et je vous invite à aller écouter son disque si vous n'avez pas la chance de venir voir le spectacle ce soir. Mais vraiment, il ne faut pas manquer Félix. On l'a reçu plus tôt aujourd'hui. Oui, okay, il nous parlait d'accord. de votre collaboration oui. justement en écriture. Il disait « Quand Pierre a du temps, parce que ça arrive que des fois il ait du temps, on se retrouve puis on écrit ensemble. » Oui, et c'est toujours une partie de plaisir. C'est quelqu'un qui est extrêmement drôle, extrêmement brillant et il a un talent d'écriture que j'ai rarement vu en fait. Et c'est de la trempe. Pour moi, c'est de la trempe de Philippe B. C'est de la trempe de Stéphane Lafleur d'Avec Podcast. Pour moi, il est dans ce niveau-là d'auteur en ce moment, mm-hmm. qui sont assez rares. La Science du Cœur, c'est vraiment une expérience rien que d'écouter l'album, parce que tu le dis, si on achète encore l'album en physique, oui. Dans la page des remerciements, il faut écouter cet album en entier. Prenez oui. 36, 37 minutes c'est de votre temps. 36 minutes et quelques secondes, c'est un truc ça. Comme ça, ouais. Pour ouais. juste l'écouter, oui. ce que personne ne fait plus jamais. Ben, il y a encore des gens qui le font, mais ouais. moi, ce que je voulais surtout dire, c'est de laisser les réseaux sociaux quelques 36 minutes pour le plaisir d'absorber cet album-là, un peu de manière rétro, comme nous, on a travaillé l'album de façon rétro aussi, parce que nos arrangements sont très actuels. Ce qu'on a fait, David, François Moreau et moi, c'est très, très contemporain comme approche de la chanson. Je pense qu'on réussit à renouveler le discours chansonnier de belle manière. Maintenant, on a travaillé les arrangements, la réalisation, le mix comme on le faisait dans les années 60. Donc, je me suis dit que ce serait amusant quand même de proposer aux auditeurs d'écouter ce disque-là de manière rétro, comme à l'époque où on prenait un vinyle et on écoutait la face en tournée. Et qu'on se levait pour aller changer la oui, face du exactement. Vinyle. Exactement. Je me suis dit que ce serait bien de le faire. Et j'ai été surpris des réactions parce que tout le monde... Ça a créé quand même pas mal de réactions, cette phrase-là, à la fin de l'album. Et les gens me disaient fièrement, j'ai réussi à l'écouter du début à la fin sans arrêt. Ouais, c'est un puis j'étais genre, mon Dieu, on est rendu à trouver que c'est un exploit de s'asseoir 36 minutes et d'écouter un disque du début à la fin. J'étais un peu... j'étais amusé et aussi troublé. J'ai beaucoup aimé ton dernier passage au Grand Théâtre de Québec. Tu avais eu une discussion avec le public après le spectacle. Je sais que tu le fais régulièrement ouais, quand même. Quand c'est possible. Là, ce soir, ce ne sera pas possible parce que c'est ouais. un plateau où on change et puis c'est un festival. Mais aussitôt que j'ai de l'énergie, aussitôt que la soirée s'y prête, oui, je reste après le spectacle. Je dis aux gens, je vais m'habiller en civil. Je vais m'habiller oui, c'est vrai. En personne normale. Et puis après ça, je reviens, puis vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Et ça donne lieu à toutes sortes de questions hyper intéressantes, en fait. C'est très vivant, puis souvent... Prends-le pas personnel, mais souvent j'ai des questions du public qui sont plus brillantes et plus réfléchies que ce que les journalistes me posent comme questions. Et c'est entre autres pour ça que je le fais. Mais tu as lancé un grand cri du cœur cette soirée-là aussi, en parlant des plateformes de streaming, puis ouais. de la rémunération juste que devraient avoir les artistes. Ouais. Tu parlais de ta chanson la plus écoutée, ouais. Par exemple, sur une plateforme, puis ouais. le peu que tu avais touché, Spotify, que tu devais redistribuer. Spotify, 1 million d'écoutes de Je déteste ma vie, qui est une de mes chansons les plus écoutées, m'a rapporté $500. Ce qui est absolument inacceptable. Je dis pas ça pour que les gens qui écoutent de la musique sur les plateformes de streaming se sentent coupables, aucunement, parce que pour moi, la culture est là pour être diffusée le moins cher possible. Faut que ce soit accessible. Surtout si on n'a pas les moyens, dans ma tête, les musées, les salles de spectacle, tout serait gratuit. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont propriétaires de compagnies internationales. Je pense à YouTube, je pense à Spotify, je pense à Apple, qui ont des fortunes qui se chiffrent en centaines de milliards de dollars, ils ne paient pas d'impôts et ils réussissent à nous faire croire qu'ils n'ont pas assez d'argent pour rémunérer de manière adéquate les auteurs-compositeurs. Le vrai problème, c'est que le gouvernement canadien ne fait pas son travail. Et en ne faisant pas son travail, le gouvernement canadien subventionne indirectement ces grandes compagnies internationales-là qui ne contribuent pas à la création de nouveaux contenus canadiens et, en plus, ne paient pas d'impôts chez nous. Il n'y a personne qui nous écoute en ce moment à la radio, en tout cas j'espère, qui ne paie pas d'impôts. J'en paie, t'en paie, et c'est normal. Et quand on n'en paie pas, c'est parce qu'on ne fait pas assez d'argent, et c'est normal qu'on n'en paie pas quand on ne fait pas d'argent. Mmh. Maintenant, ces compagnies-là devraient participer à la grande chaîne créative et de consommation internationale, et particulièrement au Canada. Et je fais beaucoup de il commence à avoir des débouchés. Mais je sens qu'il faut qu'un personnage public prenne la parole parce que les organismes qui font très bien leur travail, la DISC, la SOCAN et toutes les équipes autour de ces organismes-là, qui travaillent depuis 15 ans à répéter porter le même message, n'ont jamais été entendus de la part des gouvernements, et je trouve ça honteux. C'est pour ça que je prends la peine aussi d'expliquer aux gens après chacun des spectacles pour les conscientiser, tous les détails pour les conscientiser. Et aussi, je remercie toujours avec beaucoup d'attention, et j'appuie beaucoup là-dessus, je remercie les gens d'avoir acheté des billets de spectacle parce que c'est devenu une des seules sources de revenus directs qu'on peut avoir, nous, les artistes. Et quand on consomme, pour moi, consommer est un geste politique. Et quand on consomme de la culture, c'est un geste politique engagé et assez brillant, à mon avis. Donc, je prêche pour ma paroisse, mais je prêche aussi pour, pas juste pour la chanson, je dis aux gens... Quand vous avez les moyens, allez voir des spectacles de danse, allez voir des spectacles de théâtre, allez voir des spectacles de musique classique, de jazz. Soyez curieux et allez vous confronter à des trucs que vous aimeriez peut-être pas des fois, mais ça se peut pas sortir d'une salle de spectacle sans en sortir grandi. Ça se peut pas. Bravo, oui, il y a beaucoup de messages d'approbation. Je reçois des messages sur les réseaux sociaux aussi, 100% d'accord, ouais, etc. Bon, mais... là, c'est sûr qu'on s'adresse à des gens qui écoutent CKRL, donc on s'adresse à un public quand même assez conscientisé. Mais c'est nous, par notre parole, chacune des personnes conscientisées à ces questions-là, c'est en parlant autour de nous qu'on peut changer les choses et puis conscientiser des gens qui le sont moins. Donc ce soir, si vous êtes dans la salle, effectivement, vous participez à cet effort de soutenir le spectacle vivant avec Pierre Lapointe. T'as une belle tournée de festival. Je sais que tu seras au festif aussi à Baie-Saint-Paul, oui, un peu plus, oui, tard. Oui, puis je parle ce mercredi pour les Franco de La Rochelle pour revenir dimanche pour aller faire le festif à Baie-Saint-Paul après. Donc oui, je suis en pleine... La routine. La routine, ouais, ben, les allers-retours France-Québec. C'est devenu ma routine, la France, faire France-Québec. Mais c'est, oui, c'est une belle période. Et puis l'automne prochain, on a des dates partout en France. On revient après 100 janvier au Québec. Il faut surveiller, il faut aller sur pierrelapointe.com. Il faut suivre sur Instagram, sur Facebook pour suivre mes mouvements et savoir quand je passe proche, mais la séance du cœur, je pense que c'est probablement un de mes spectacles les mieux construits et les plus forts que j'ai fait en carrière. Ça me rend extrêmement fier, ce spectacle-là. Et moi, de mon côté, j'ai vécu une très belle expérience au Grand Théâtre quand tu es passé à Québec un peu plus tôt cette année ou l'année dernière. Oui, c'était au mois de décembre, ouais, un truc comme ça. Ça. Ouais, et vraiment, tu rends accessible une musique qui ne le serait peut-être pas pour certaines personnes en temps normal. Donc, allez voir ça, vraiment, arrivez tôt à l'Impérial Bell. Allez voir Félix Diod juste avant à 19h45 pour Pierre Lapointe. Ça sera à 21h. Pierre, merci beaucoup d'être passé à CKRL. Je sais qu'on a jonglé avec les horaires, donc je te remercie vraiment. C'est parfait, ça me fait très plaisir d'être là. Merci à toi. Et bien nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de sortie culturelle au Festival d'été de Québec. On recevra Yael Dekelbaum, Moum, Pate Cravate, La Chiva Gantiva, Marina Ojos de Brujo et Chris Guilty. Ça va être pas mal latino demain, je vais pratiquer mon espagnol pour vous. Alors bien contente de vous présenter ces entrevues. Je remercie toute mon équipe, Simon Roy, Camille Proust aujourd'hui, Isabelle Baum et Le Sacrilège qui nous reçoit, Caroline Boucher pour les photos. Aussi, vous retrouverez tout sur notre page Facebook Sortie Culturelle. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, on fait un beau concours pour gagner des cartes cadeaux chez Érico Chocolatier d'ici la fin du Festival d'été de Québec. Je vous laisse avec toute l'équipe de Racines Musicales, votre émission de reggae sur les ondes de CKRL. D'ailleurs, ils sont aussi programmés au Festival d'été de Québec ce soir. C'était Jessica Leb avec vous. Bonne soirée. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous a été présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Rendez-vous demain, même heure, même poste. Que le spectacle continue. Yes, I. If turn Rasta, man. Man, side the fullness, you know. CKRL 89.1, Québec. Yeah! Parson send him one son to college. Production Rhizome et Arcam sur Loire présentent Les Explorateurs, Comte des Estuaires, Nantes, Québec.